Chapitre 4. C'était en effet rue de Valois que le colonel s'était fait conduire, voulant introduire Thérèse chez lui par le passage du jardin, afin qu'elle échappât à la curiosité de ses domestiques qui, dans l'état où elle était, l'eût assurément gênée et humiliée. Mais la petite porte ouvrant sur cette rue n'ayant pas de numéro, il n'avait pas pu donner ce numéro au cocher, et il avait dû se contenter d'une indication assez vague. Une petite porte dans le mur d'un jardin rue de Valois. Le cocher venait de s'arrêter devant le mur de ce jardin. Le colonel sauta à terre et, prenant Thérèse par la main, il la fit descendre. Le soir tombait, la rue était déserte. Il mit une pièce d'argent dans la main du cocher, mais celui-ci ne bougea pas. Il voulait voir ce qu'allait se passer. Il se passa une chose en apparence fort simple, mais qui cependant en disait long pour celui qui savait comprendre et interpréter ce qu'il voyait. Or, ce cocher appartenait à cette catégorie d'observateurs. C'était un cocher littéraire, c'est-à-dire qu'il avait lu les feuilletons du petit journal et de la petite presse, et savait comment les séducteurs et les débauchés procèdent à l'égard des filles du peuple. Une rue déserte, une petite porte dans le mur d'un jardin, le lieu de la scène était vraiment bien choisi. L'inconnu, qui portait un costume élégant, tira une clé de sa poche, et s'étant approché de la muraille, il ouvrit une porte qui disparaissait dans l'épaisseur de la maçonnerie. Cette porte roula silencieusement sur ses gonds bien graissés. Il était évident qu'elle s'ouvrait ainsi souvent devant les malheureuses victimes que le vampire attirait dans son antre. La porte ouverte, sur un couloir sombre, l'inconnu s'approcha de la jeune fille. Celle-ci fit un pas en arrière pour reculer. Elle avait compris sans doute où on la conduisait et ce qu'on voulait faire d'elle. Mais l'inconnu la prit par le bras. Elle baissa la tête et, passant la première, elle entra dans le couloir sombre. Le cocher n'entendit qu'un mot. « Mon père !» Sans doute c'était un appel désespéré de cette victime infortunée. Mais il n'eut pas le temps de voler à son secours car déjà la porte s'était refermée avec un bruit sourd. Il était trop tard. Son cœur sensible fut ému. Mais que pouvait-il pour cette pauvre fille? La rue était déserte, et comme toujours quand on a besoin d'elle, la police était absente. Ça n'était pas seul qu'il pouvait enfoncer cette porte solide. Appeler au secours, à quoi bon? Il sortirait sans doute par cette porte une armée de laquais qui se bâtonneraient, ainsi que cela se voit toujours. Alors il descendit de son siège, ayant fouillé dans sa poche, il en tira un couteau à manche de corde qu'il ouvrit. Avec la pointe de ce couteau, il fit une croix sur le bois de la porte. Au moyen de cette croix, il serait bien sûr, le jour où l'on ferait les recherches, de retrouver la porte par laquelle était entrée la victime du vampire. Et la conscience tranquille, il remonta sur son siège. Il tenait la clé d'une histoire mystérieuse, un drame de Paris. Cependant, la porte fermée, Thérèse et le colonel s'étaient trouvés dans une complète obscurité. « Voulez-vous prendre mon bras ? » dit-il, « je vous conduirai. » « Et où donc sommes-nous ? » « Chez moi. » « Seulement, au lieu d'entrer par la grande porte de l'hôtel, j'ai préféré vous introduire par ce passage, qui me sert pour sortir et pour entrer quand je ne veux pas qu'on sache ce que je fais. J'ai cru qu'il vous serait plus agréable de ne point passer, avec ce costume négligé qui vous gêne, sous les yeux des domestiques. » Elle ne répondit rien, mais elle lui pressa doucement le bras de manière à lui faire comprendre qu'elle était sensible à cette attention. « À propos de ce costume, dit-il en continuant d'avancer doucement en la dirigeant, est-ce qu'il serait possible d'envoyer quelqu'un rue de Charonne pour vous apporter ce qui vous serait nécessaire pour changer ?»« Mais non, dit-elle, quand mon père a été condamné, Denisot nous a envoyé nos vêtements et notre linge en Allemagne. Alors il est inutile d'envoyer rue de Charonne. Est-ce que ce costume vous gêne vraiment beaucoup ? Mais oui, beaucoup, autant et même plus que possible. Alors il faut trouver un moyen pour le quitter. Demain ? Non, aujourd'hui. Mais aujourd'hui c'est dimanche. Les magasins sont fermés. Et d'ailleurs je ne peux pas sortir ainsi. Je le peux, moi. Vous, mon cousin ? Eh oui, sans doute, moi. Je n'accepte pas d'observation sur ce point. Et je vous demande la permission, puisque j'ai le plaisir de vous recevoir chez moi, de vous traiter à mon gré. Dans l'Antiquité, il était d'usage de mettre des vêtements à la disposition de l'hôte qu'on recevait. Et cet usage s'est continué dans les pays de l'Orient. Laissez-moi faire ainsi, je vous prie. » Ils avaient traversé la galerie et ils étaient arrivés dans un salon du rez-de-chaussée. Le colonel poussa le bouton d'une sonnerie et en attendant qu'on vînt, il continua. « Il vous sera agréable, n'est-ce pas, d'être logé auprès de votre père ? Mais oui, très agréable. Alors je vais vous mettre au second. » À ce moment, Horace entra dans le salon, mais en apercevant cette jeune fille qu'il ne reconnut pas tout d'abord, il fit un pas en arrière, tant sa surprise fut grande. Ce fut seulement lorsque Thérèse lui eut souri qu'il se remit. « Ah, mademoiselle Thérèse » s'écria-t-il. Mais le colonel ne lui laissa pas le temps de manifester son étonnement. « Tu vas m'envoyer madame Bénard et ensuite tu iras voir si rien ne manque dans les appartements du second. Celui de droite est pour ma cousine. Celui de gauche pour mon oncle qui va arriver bientôt et à la disposition duquel tu te mettras. » 2 minutes après cet ordre, madame Bénard, qui était la femme de charge, entra dans le salon. Bien qu'elle fût digne et habituellement maîtresse de son émotion, elle ne put retenir un mouvement de surprise à la vue de Thérèse. « Madame Bénard, dit le colonel, voici ma cousine qui arrive d'un long et terrible voyage. Dans quel état? Vous le voyez, elle n'a pas un bagage avec elle. Il lui faut donc des vêtements pour changer de toilette tout de suite. Voulez-vous m'obliger de prendre la grosseur de son cou, de ses épaules et de sa taille, puis la longueur de ses bras, de son corsage et de sa jupe? » Malgré sa stupéfaction, la femme de charge fit ce qui lui était demandé avec une promptitude qui prouvait que le colonel avait l'habitude d'être obéi chez lui. « Maintenant, dit-il, conduisez ma cousine à son appartement et tenez-vous, je vous prie, à sa disposition. » Puis tendant la main à Thérèse, « À bientôt, ma petite cousine. Si mon oncle arrive avant mon retour, dites-lui qu'Horace lui donnera le linge et les vêtements qui lui seront nécessaires. » Bien que Thérèse fût venue plusieurs fois chez son cousin, elle ne connaissait pas les appartements du second étage. La femme de charge, passant devant elle, l'introduisit dans une grande et belle chambre meublée d'un meuble Louis XV avec des tapisseries d'après-bateau, aux couleurs fraîches et claires, dans lesquelles dominaient le vert et le rose. À cette chambre attenait un vaste cabinet de toilette. Puis, au cabinet de toilette, une salle de bain, dont les murailles étaient garnies de faïences fleuries. Au-dessus d'une baignoire en marbre d'aspin, brillait un gros cylindre en cuivre rouge dans lequel l'eau était chauffée par un appareil à gaz. La femme de charge qui la précédait s'arrêta devant cette baignoire. « Si mademoiselle est fatiguée, dit-elle, un bain la rafraîchirait et la reposerait. Un bain demanderait trop de temps pour être chaud. Quelques minutes, à peine. » Et sans attendre une réponse, la femme de charge alluma le gaz sous l'appareil. 10 minutes après, Thérèse, toutes les portes closes, se laissait glisser dans l'eau parfumée de la baignoire en frissonnant, bien que cette eau fût à la température voulue. Mais ce n'était pas le froid qui lui causait ce frissonnement, pas plus que ce n'était un sentiment de bien-être qu'elle était sensible. Ce n'était point d'une sensation de bonheur matériel que dans son repos, après tant d'épreuves et de fatigue, elle jouissait. Il n'était pas marié. Et ce mariage lui avait été imposé. Comment? Par qui? Elle ne se le demandait pas. Qu'importait? Sa rupture, avait-il dit, avait été pour lui un soulagement et une délivrance. Et fermant à demi les yeux, elle s'engourdit dans cette rêverie. Mais tout à coup, elle les rouvrit brusquement en battant l'eau de ses deux mains. Et Michel? N'avait-elle pas consenti à l'accepter pour son mari?